tellement que c'est ainsi. Me soigner de toi, oui, j'ai envie. Les alizés me chantaient rire. En passant à toi, je vis, j'existe. Dis-moi si tu m'aimes. Écris-moi des poèmes. File-moi de ma peine. Et que nos jours soient les mêmes. Je le sais maintenant, oh, oh, oh, oh.